Contes et légendes de Basse-Bretagne. Émile Souvestre. Les pierres de Plouhinec. Plouhinec est un pauvre bourg au-delà d'Hennebon, vers la mer. On ne voit tout autour que des landes ou des petits bois de sapins, et jamais la paroisse n'a eu assez d'herbe pour élever un bœuf de boucherie, ni assez de son pour engraisser un descendant des Rohan. Mais si les gens du pays manquent de blé et de bestiaux, ils ont plus de cailloux qu'il n'en faudrait pour rebâtir l'Orient. Et l'on trouve, au-delà du bourg, une grande bruyère dans laquelle les Korrigans ont planté deux rangées de longues pierres qu'on pourrait prendre pour une avenue si elles conduisaient quelque part. C'était près de là, vers le bord de la rivière d'Intel, que demeurait autrefois un homme appelé Marzine. Il était riche pour le canton, c'est-à-dire qu'il pouvait faire saler un petit porc tous les ans, manger du pain noir à discrétion et acheter une paire de sabots le dimanche du laurier. Aussi passait-il pour fier dans le pays et avait-il refusé sa sœur Rosaine à beaucoup de jeunes garçons qui vivaient de leur sueur de chaque jour. Parmi eux se trouvait Bernès, brave travailleur et digne chrétien, mais qui n'avait apporté pour légitime, en venant dans le monde, que la bonne volonté. Bernès avait connu Rosaine toute petite quand il était arrivé de Ponscorff-Bidré pour travailler dans la paroisse et elle l'avait souvent poursuivi avec la chanson que les enfants répètent à ceux de son pays « Ponscorff bridé, chair de chèvre béhé ». Cela leur avait fait faire connaissance et petit à petit, à mesure que Rosaine grandissait, l'attachement de Bernès avait également grandi, si bien qu'un jour il s'était trouvé amoureux, comme les Anglais sont damnés, je veux dire sans rémission. Vous comprenez que le refus de Marzine fut pour lui un grand crève-cœur. Cependant, il ne perdit pas courage, car Rosaine continuait à le bien recevoir et à lui chanter en riant le refrain composé pour ceux de Ponscorff. Or, on était arrivé à la nuit de Noël, et comme l'orage avait empêché de se rendre à l'office, tous les gens de la ferme se trouvaient réunis, et avec eux plusieurs garçons du voisinage, parmi lesquels était Bernès. Le maître de la maison, qui voulait montrer son grand cœur, avait fait préparer un souper de boudins et de bouillies de froment au miel. Aussi, tous les yeux étaient tournés vers le foyer, sauf ceux de Bernès qui regardait sa chère Rosénique. Mais voilà qu'au moment où les bancs étaient près de la table et les cuillères de bois plantées en rond dans la bassine, un vieil homme poussa brusquement la porte et souhaita bon appétit à tout le monde. C'était un mendiant de Pluvigné qui n'entrait jamais dans les églises et dont les honnêtes gens avaient peur. On l'accusait de jeter des sorts sur les bestiaux, de faire noircir le blé dans l'épi et de vendre aux lutteurs les herbes magiques. Il y en avait même qui le soupçonnaient de devenir gobelin à volonté. Cependant, comme il portait l'habit des pauvres, le fermier lui permit de s'approcher du foyer. Il lui fut même donné un escabeau à trois pieds et une portion d'invité. Quand le sorcier eut fini de manger, il demanda à se coucher et Bernès alla lui ouvrir l'étable où il n'y avait qu'un vieil âne pelé et un bœuf maigre. Le mendiant se coucha entre eux pour avoir chaud en appuyant sa tête sur un sac de lentes pilées. Mais, comme il allait tomber dans le sommeil, minuit sonna. Le vieil âne secoua alors ses longues oreilles et se tourna vers le bœuf maigre. « Eh bien, mon cousin, comment cela va-t-il depuis la Noël dernière que je ne vous ai parlé ?» demanda-t-il d'un ton amical. Au lieu de répondre, l'animal cornu jeta un regard de côté au mendiant. « C'était bien la peine que la Trinité nous accordât la parole à la nuit de Noël, dit-il d'un ton bourru, et qu'elle nous récompensât ainsi de ce que nos ancêtres avaient assisté à la naissance de Jésus si nous devions avoir pour auditeur un vaurien comme ce mendiant. « Vous êtes bien fier, monsieur de Kermeglan, reprit l'âne avec gaieté. « J'aurais plutôt droit de me plaindre, moi dont le chef de famille porta autrefois le Christ à Jérusalem, comme le prouve la croix qui nous a été imprimée depuis entre les deux épaules. Mais je sais me contenter de ce que les trois personnes veulent bien m'accorder. Ne voyez-vous point, d'ailleurs, que le sorcier est endormi ?»« Tous ces sortilèges n'ont pu encore l'enrichir, reprit le bœuf, il se damne pour bien peu. Le diable ne l'a même pas averti de la bonne chance qu'il y aura ici près, dans quelques jours. »« Quelle bonne chance ?» demanda l'âne. « Comment, reprit le bœuf, ne savez-vous donc pas que tous les 100 ans, les pierres de la bruyère de Plouhinec vont boire à la rivière d'Intel et que pendant ce temps, les trésors qu'elles cachent restent à découvert ? Ah, je me rappelle maintenant, interrompit l'âne, mais les pierres reviennent si vite à leur place qu'il est impossible de les éviter et qu'elles vous écrasent si vous n'avez point, pour vous en préserver, une branche de l'herbe de la croix entourée de trèfles à 5 feuilles. Et encore, ajouta le bœuf, les trésors que vous avez emportés tombent-ils en poussière si vous ne donnez en retour une âme baptisée? Il faut la mort d'un chrétien pour que le démon vous laisse jouir en repos des richesses de Plouinec. Le mendiant avait écouté toute cette conversation sans oser respirer. Oh. « Chers animaux, mes petits cœurs, pensait-il en lui-même, vous venez de me faire plus riche que tous les bourgeois de Vannes et de Lorient. Soyez tranquilles, le sorcier de Pluvigné ne se donnera pas désormais pour rien. » Il s'endormit ensuite, et le lendemain, au point du jour, il était dans la campagne, cherchant l'herbe de la croix et le trèfle à 5 feuilles. Il lui fallut chercher longtemps et s'enfoncer dans le pays, là où l'air est plus chaud et où les plantes restent toujours vertes. Enfin, la veille du jour de l'an, il reparut à Plouinec avec la figure d'une belette qui a trouvé le chemin du colombier. Comme il passait sur la lande, il aperçut Bernèse, occupé à frapper avec un marteau pointu contre la plus haute des pierres. « Que Dieu me sauve !» s'écria le sorcier en riant. « Avez-vous envie de vous creuser une maison dans ce gros pilier ?»« Non, » dit Bernèse tranquillement. Mais comme je suis sans ouvrage pour le moment, j'ai pensé que si je traçais une croix sur une des pierres maudites, je ferais une chose agréable à Dieu qui me le revaudra tôt ou tard. « Vous avez donc quelque chose à lui demander ?» fit observer le vieil homme. « Tous les chrétiens ont à lui demander le salut de leur âme, » répliqua le jeune gars. « Et n'avez-vous point aussi quelque chose à lui dire, de Rosen ?» ajouta plus bas le mendiant. Bernèse le regarda. « Ah, vous savez cela, » reprit-il. Après tout, il n'y a ni honte ni péché, et si je recherche la jeune fille, c'est pour la conduire devant le curé. Malheureusement, Marzine veut un beau-frère qui puisse compter plus de réals que je ne possède de blancs marqués. Et si je te faisais avoir plus de louis d'or que Marzine ne possède de réals, dit le sorcier à demi-voix. Vous ? S'écria Bernèse. Moi ? Que me demanderiez-vous pour cela ? Rien qu'un souvenir dans tes prières ? Ainsi, il n'y aurait pas besoin de compromettre mon salut. Il n'y aurait besoin que de courage. Alors dites-moi ce qu'il faut faire, s'écria Bernèse en laissant tomber son marteau. Quand on devrait s'exposer à 30 morts, je suis prêt, car j'ai moins de goût à vivre qu'à me marier. Quand le mendiant vit qu'il était si bien disposé, il lui raconta comment la nuit prochaine, les trésors de la lande seraient tous à découvert, mais sans lui apprendre en même temps le moyen d'éviter les pierres au moment de leur retour. Le jeune garçon crut qu'il ne fallait que de l'hardiesse et de la promptitude. Aussi, dit-il, vrai comme il y a 3 personnes en Dieu, je profiterai de l'occasion, vieil homme, et j'aurai toujours une pinte de mon sang à votre service pour l'avertissement que vous venez de me donner. Laissez-moi seulement finir la croix que j'ai commencé à creuser sur cette pierre. Quand il sera temps, j'irai vous rejoindre près du petit bois de sapin. Bernèse tint parole et arriva au lieu convenu 1 heure avant minuit. Il trouva le mendiant qui portait un bissac de chaque main et un autre suspendu au cou. « Allons, dit-il au jeune homme, asseyez-vous là, et pensez à ce que vous ferez quand vous aurez à discrétion l'argent, l'or et les pierreries. » Le jeune homme s'assit à terre et répondit, « Quand j'aurai l'argent à discrétion, je donnerai à ma douce Rosnik tout ce qu'elle souhaite et tout ce qu'elle a souhaité, depuis la toile jusqu'à la soie, depuis le pain jusqu'aux oranges. Et quand vous aurez l'or à volonté, » ajouta le sorcier. « Quand j'aurai l'or à volonté, reprit le garçon, je ferai riche tous les parents de Rosnik et tous les amis de ses parents, jusqu'aux dernières limites de la paroisse. Et quand vous aurez enfin les pierreries à foison, acheva le vieil homme. Alors, s'écria Bernèse, je ferai tous les hommes de la terre riches et heureux, et je leur dirai que c'est Rosnik qui l'a voulu. » Pendant qu'ils causaient ainsi, l'heure passait, et minuit arriva. À l'instant même, il se fit un grand bruit sur la lande et l'on vit, à la clarté des étoiles, toutes les grandes pierres quitter leur place et s'élancer vers la rivière d'Intel. Elles descendaient le long du coteau en froissant la terre et en se heurtant comme une troupe de géants qui auraient trop bu. Elles passèrent ainsi, pêle-mêle, à côté des 2 hommes et disparurent dans la nuit. Alors, le mendiant se précipita vers la bruyère, suivi de Bernèse, et aux places où s'élevaient un peu auparavant les grandes pierres, ils aperçurent des puits remplis d'or, d'argent et de pierreries qui montaient jusqu'au bord. Bernèse poussa un cri d'admiration et fit le signe de la croix. mais le sorcier se mit aussitôt à remplir ses bissacs en prêtant l'oreille du côté de la rivière. Il finissait de charger le troisième, tandis que le jeune homme remplissait les poches de sa veste de toile, lorsqu'un murmure, sourd comme celui d'un orage qui arrive, se fit entendre au loin. Les pierres avaient fini de boire et revenaient prendre leur place. Elles s'élançaient, penchées en avant comme des coureurs, et brisaient tout devant elles. Quand le jeune homme les aperçut, il se redressa en s'écriant « Ah, Vierge Marie, nous sommes perdus !»« Non, pas moi !» dit le sorcier, qui prit à la main l'herbe de la croix et le trèfle à cinq feuilles, « car j'ai ici mon salut, mais il fallait qu'un chrétien perdît la vie pour m'assurer ses richesses. Et ton mauvais ange t'a mis sur mon chemin. Renonce donc à Rosaine et pense à mourir. » Pendant qu'il parlait ainsi, l'armée de pierres était arrivée. Mais il présenta son bouquet magique et elle s'écarta à droite et à gauche pour se précipiter vers Bernès. Celui-ci, comprenant que tout était fini, se laissa tomber à genoux et allait fermer les yeux lorsque la grande pierre qui accourait en tête s'arrêta tout à coup et, fermant le passage, se plaça devant lui comme une barrière pour le protéger. Bernès, étonné, releva la tête et reconnut la pierre sur laquelle il avait gravé la croix. C'était désormais une pierre baptisée qui ne pouvait nuire à un chrétien. Elle resta immobile devant le jeune homme jusqu'à ce que toutes ses sœurs eussent repris leur place. Alors elle s'élança comme un oiseau de mer pour reprendre aussi la sienne et rencontra sur son chemin le mendiant que les trois bissacs chargés d'or retardaient. En la voyant venir, celui-ci voulut présenter ses plantes magiques, mais la pierre, devenue chrétienne, n'était plus soumise aux enchantements du démon, et elle passa brusquement en écrasant le sorcier comme un insecte. Bernès eut, outre ce qu'il avait recueilli lui-même, les trois bissacs du mendiant, et devint ainsi assez riche pour épouser Rosaine et pour élever autant d'enfants que le Laouen Nanik a de petits dans sa couvée. Ici se terminent les pierres de Plouinec d'Émile Souvestre. Enregistré par Christiane Johan.